La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pierre Loti est né en 1850 à Rochefort-sur-Mer et il est mort à Hendaye à l'âge de 73 ans. Entre ces deux dates, il faudrait citer toutes les destinations qu'il a parcourues sur le pourtour méditerranéen et en particulier dans l'Empire ottoman, mais aussi à Papeete, au Maroc, en Afrique noire. Lui qui a été marin durant presque toute sa vie et dont le retour en grâce littéraire depuis quelques années tient beaucoup à la redécouverte de ses récits de voyage. Nous avons parlé hier de cette vie de Pierre Loti, né Julien Viau. C'était en compagnie de son biographe Alain Kella-Vidéger. Et des récits de voyage précisément, nous parlerons en particulier demain avec Jean-Claude Perrier qui les a édités en plusieurs volumes aux éditions Artaud. Et puis jeudi, nous nous arrêterons avec Sophie Bache sur le roman Les Désenchantés. Elle nous parlera également de la question complexe de l'orientalisme chez Pierre Loti. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour un panorama de l'œuvre, nous sommes avec Bruno Versier, longtemps enseignant à l'Université Paris 3, spécialiste de Loti, donc écrivain, sur qui il va d'ailleurs publier en novembre prochain aux éditions Bleu Autour un ouvrage intitulé « Pierre Loti, dessinateur, une œuvre au long cours » en collaboration avec notre invité d'hier, Alain Kella-Vidéger. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Ce style fluide et un peu lent n'accroche pas le regard. Il entre en vous comme un air de musique, comme une mélodie nouée et dénouée. Et pourtant, dès qu'il a paru, il s'est imposé. Ça a été une révélation. Nous sortions du naturalisme le plus épais, où avait régné le brave style de maçon loyal de Zola. Et ça avait été aussi le style nerveux, un peu ataxique de Daudet, le style pointilliste de Goncourt et le style savamment cuisiné de Huysmans. Et tout à coup, nous nous trouvions devant un écrivain qui, en employant le langage de tout le monde, trouvait le moyen de nous faire voir les choses mieux que les plus réalistes de ses prédécesseurs. Et on commence avec cette archive du poète et critique littéraire Fernand Gregg. Bonjour Bruno Versier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va tenter avec vous de parcourir donc l'œuvre de Pierre Loti. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur son style, sur sa manière d'écrire ? Question large qui vous fait sursauter. Oui. Non, mais je crois que Fernand Gregg a dit des choses très justes dans votre archive. La simplicité alliée étrangement à la poésie, enfin une poésie qui naît de la simplicité, d'une émotion qu'il est bien difficile de caractériser. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, peut-être. Il y a quand même cette dialectique, justement, d'une apparente simplicité, oui. Quand on y regarde un peu plus près, n'est évidemment pas si simple. C'est pas si simple. Le type, par exemple, dans ses débuts, s'est beaucoup bataillé avec son éditeur parce qu'il commençait ses phrases par des points de suspension et ça ne se faisait pas. Et au fond, le type fait plein de choses qui ne se font pas, peut-être. Je pense que c'est très curieux parce que ses grands modèles, c'était peut-être Chateaubriand, Musset, des gens beaucoup plus sophistiqués, disons. Et lui a réussi à atteindre à l'émotion la plus évidente, je crois, par des moyens beaucoup plus simples. Donc il y a un mystère Loti de son écriture. Il y a écriture. Un mystère Loti dans l'écriture, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de musical? La musique, oui. Mais on a l'impression, chez Chateaubriand, on a l'impression qu'il cherche à être musical. On a l'impression que Loti ne cherche pas. Enfin, c'est qui disait « je ne cherche pas, je trouve », ça doit être c'est Cocteau. Picasso. Non, c'est Picasso, c'est oui. Cocteau. Bon. Oh, ils étaient proches, ils se sont peut-être partagé cette formule, mais c'est Picasso, oui. Mais je crois que c'est comme... Enfin, il faut se dire aussi que Loti, vous l'avez abordé hier avec Alain, Loti ne se rêvait pas écrivain. Loti écrivait son journal, et de ce journal, il l'écrivait pour lui-même, pour noter ses émotions, ses regrets, sa nostalgie, ses désirs, ses envies. Et de ce journal est née une œuvre, presque par hasard. Et je crois que le secret, il est peut-être là, d'avoir la voix immédiate de quelqu'un qui ne cherche pas à faire de la littérature, au moins au début en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui cherche à explorer son monde intérieur, à voyager dans son monde intérieur, et d'ailleurs c'est un écrivain qui parle peut-être en particulier aux rêveurs, parce qu'il fait apparaître des images. Qu'en pensez-vous, Bruno Vercier ? Oui, aux rêveurs, aux voyageurs rêveurs. Je pense à cette phrase de la préface de Madame Chrysanthème. Ce roman, il faut toujours mettre « roman » entre guillemets, car Loti a écrit très peu de véritables romans. Mais dans sa préface, il dit « Le rôle principal est tenu par Madame Chrysanthème, mais les trois personnages principaux sont le Japon, moi et l'effet que le Japon produit sur moi. » Et je crois que là, on a un peu le secret que l'on cherche à élucider sur le charme de l'écriture de Loti. C'est-à-dire, c'est l'expression d'une sensibilité. Alors, on aime ou on n'aime pas. Certains trouvent cela quelquefois un peu fade, un peu mièvre. Mais je crois que pour ceux qui aiment, c'est extrêmement évident et émouvant à la fois. C'est l'expression d'une sensibilité dans bien des domaines, parce que Pierre Loti semble avoir tous les dons. Le journal, on va en parler, vous avez d'ailleurs commencé de le faire, les romans, le théâtre aussi un peu, le dessin, la photographie, la décoration intérieure, si on veut considérer que sa maison de Rochefort est peut-être aussi son œuvre la plus, sinon la plus aboutie, du moins la plus flamboyante. Ah, vous iriez jusqu'à dire ça, que c'est sa maison qui constitue le sommet de son œuvre ? Le sommet, peut-être pas, puisque bon, je pense que c'est un grand écrivain, mais cette maison est quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, comme ses livres sont souvent extraordinaires au sens originel du terme. Parce que cette maison, c'est un décor, c'est même comme plusieurs décors de théâtre. Oui, mais ça n'a pas été construit comme des décors de théâtre. Chaque pièce est le résumé d'un voyage, d'un désir, d'une nostalgie du Moyen-Âge, retour d'Afrique, retour du Japon, retour de Chine. Ce n'est pas... C'est théâtral, mais ce n'est pas construit comme des décors. Pour Loti, je crois que chaque objet, chaque disposition d'objet correspond à quelque chose et lui rappelle quelque chose, puisque il ne veut pas. Je crois qu'on vous en avait aussi parlé hier dans son testament. Il dit vous pouvez tout brûler, vous pouvez disposer de tout. Une fois qu'il n'est plus là, ces choses n'ont plus de sens. Oui, mais lui, qui aimait se travestir, devenait acteur finalement dans ses pièces. Alors, le déguisement et le travestissement, c'est compliqué, parce que quand il est au Maroc, il se déguise en arabe, c'est pour passer inaperçu. Quand il se déguise en arabe à Rochefort, effectivement, c'est pour reconstituer, d'une certaine façon, quelque chose de ce qu'il a vécu. Une expérience. Je crois que, pour reprendre l'opposition de Greg tout à l'heure entre le naturalisme et Loti, le naturaliste fait des expérimentations, Loti part de ses expériences. Et les objets, alors, puisqu'on parle de la maison, il a un rapport comme ça, très particulier, avec ces objets qu'il ramène, qui l'entassent aussi, d'une certaine façon. Est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir magique, ces objets ? Oui, moi, Loti est un fétichiste. Je veux dire, il veut tout garder, tout conserver, tout embaumer. On a parlé des momies de chat hier, je crois. On a retrouvé dans des tiroirs des petits morceaux de cailloux, des fleurs, et à chaque fois, il y a la date, le lieu où cet objet a été ramassé, conservé. Il représente quelque chose pour lui. Comme dans un mausolée ? Comme dans un mausolée. La maison est, entre autres choses, un mausolée. Dans des phrases de cahiers de notes, et c'était vraiment quelquefois des morceaux de journal intime transposés en roman, Loti nous faisait assister au spectacle, visiter les pays qu'il décrivait. Oh, ces descriptions de Loti, qui, à vrai dire, ne décrivent pas, qui remplacent la chose, la ville, le désert, la mer. Après l'écriture artiste, c'était le style naturel. Aujourd'hui, on dirait même trop naturel. On ne le trouve pas assez écrit. Il semble à certains trop facile, un peu négligé de syntaxe, et lâche comme une ceinture flottante. Gide écrit quelque part, en lisant cet ionien, je me suis senti plus que jamais dorien. Il y a en effet deux styles. Le style à syntaxe d'un La Bruyère, d'un Montesquieu, tout près de nous d'un Gide. Et puis le style cursif, le style des choses vues et des journaux de voyage, le style noté. Il n'est pas très construit chez Loti, mais il est chez lui d'une vérité souvent admirable. Et d'ailleurs, il ne faut pas exagérer sa mollesse. Loti, à force de vérité, est souvent grand, et même quelquefois grandiose. Style à syntaxe, style cursif. Est-ce qu'il est plutôt du côté de Chateaubriand qui écrivait comme ça assez rapidement, de manière un peu emportée, ou du côté de Flaubert qu'il aimait aussi beaucoup par ailleurs, on en parlera peut-être, avec une écriture très travaillée, même retravaillée, encore et encore. J'ai déjà cité Chateaubriand tout à l'heure. Moi, il me semble à la fois le contraire absolu de Chateaubriand, mais d'une certaine façon un héritier un peu indécent, incorrect. Enfin, je crois qu'il essaye de, il ne voudrait pas. Il retrouve naturellement quelque chose du charme de la musique, de la du flow, du flux d'un style il n'est pas du côté de Flaubert, je crois pas. Mais est-ce que ça n'est pas ce style-là, justement, directement issu du journal, le style noté et reproduit finalement avec tout ce qu'il a de vital dans les romans? Est-ce qu'il n'y a pas justement l'héritage du journal ici? Oui, le journal est essentiel pour comprendre et pour apprécier l'œuvre de Loti. Je veux dire, vous l'avez dit hier, mais peut-être pas assez nettement. On peut peut-être en parler davantage avec vous. À propos d'Asiadé. Je veux dire, Alain disait, on n'a pas retrouvé les pages du journal correspondant à Asiadé. Mais je sais pas, moi j'ai vu un des manuscrits d'Asiadé. Ce sont les pages du journal qui ont été gribouillées, retravaillées et arrangées. Mais les lettres sont de véritables lettres. Loti a changé quelques noms, mais c'est vraiment le journal disposé de façon assez, parfois peut-être un peu maladroite. Ça va dans tous les sens. L'histoire avec Asiadé est un fil directeur, mais c'est pas le seul intérêt de Loti, qui s'intéresse autant à l'éclipse de lune ou à la perte d'un chapeau sur le Bosphore. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les premiers livres de Loti sont des livres tout à fait fantaisistes. Jusqu'à Pêcheur d'Islande. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, justement, ce journal qu'il commence, Pierre Loti, à tenir à l'âge de 16 ans? Vers 15-16 ans, oui. Au début, d'ailleurs, c'est une œuvre cryptée, enfermée dans un coffre, enfin, vraiment pour lui-même. Donc, cryptée avec un... C'était que ça ressemble à des hiéroglyphes égyptiens. Enfin, un code, finalement, que lui-même a inventé. Oui, il s'est inventé un code, et puis peu à peu, quand il est à Paris, qu'il prépare Naval, il commence à écrire normalement dans un cahier. Au début, c'est une sorte de papyrus enroulé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout à fait secret. Et puis peu à peu, ça devient un journal, sont des feuillets qui se suivent. Est-ce qu'il a l'intention de le publier Ah non, absolument pas. Je veux dire, il le dit dans le roman d'un enfant. Par quel mystère suis-je arrivé à livrer au public ce qui était au départ secret pour moi? Je le dirai ailleurs. Et au fond, il ne le dira pas. Presque que dans la préface de son avant-dernier livre, Prime Jeunesse, où il dit, quand il réfléchit sur sa manie fétichiste de vouloir tout garder dans les objets, il dit, au fond, la seule façon de garder quelque chose, c'est l'écriture. Oui. Donc il y a vraiment un hommage rendu là à l'écriture par rapport justement aux objets, au musée, à la maison, à toute cette entreprise d'embaumement et de mausolée. Enfin, il devait quand même imaginer que son journal serait publié post-mortem parce qu'il l'a, je crois, expurgé. Donc il s'est dit qu'il fallait faire attention. Il l'a expurgé peut-être, ou on l'a expurgé après sa mort, ses héritiers. À un moment donné, c'est aussi la préface de, ou c'est un article sur Madame Chrysanthème. Il dit maintenant, ou à propos de mon frère Yves, je regrette d'avoir au fond livré au public, aux journaux, ce que j'aurais dû garder pour moi. Il a publié juste avant sa mort un livre qui s'appelle Un jeune officier pauvre, sont les pages de journal qu'il n'avait pas utilisées dans ses premiers romans. Mmh. Donc vraiment, il y a une osmose totale entre le journal et les romans. Est-ce que ce sera le cas jusqu'à la fin? Parce qu'il y a des tentations chez lui d'arrêter la rédaction du journal à certains moments. Oh, la tentation, elle vient très tardivement, elle vient pendant la Première Guerre mondiale. Juste un peu avant la Première Guerre, en 1911, il a déjà envie d'arrêter. Et puis finalement, c'est après la Première Guerre mondiale qu'il va définitivement... Oui, il l'arrête à la fin de la guerre, il l'arrête en 17-18. Mm. Mais il n'avait jamais l'intention de le publier en tant que tel, en tant que journal. Et pourquoi il arrête alors, finalement, à cette époque-là? Parce qu'il pense qu'il n'a plus... Parce qu'il est, je pense que ça, son côté sombre, le côté sombre de sa personnalité l'emporte à ce moment-là, et c'est une sorte de dépression qui fait qu'il n'a plus très envie de vivre, donc plus très envie d'écrire. Ça n'est pas lié, selon vous, à l'expérience de la Première Guerre mondiale, après laquelle écrire peut-être devient un petit peu vain? Non, enfin, je veux dire, c'est... Là, je pense que vous théorisez trop. Lotti théorise très peu. Non, je crois que c'est vraiment. C'était pas un intellectuel, Lotti. C'était pas un intellectuel, non. Il disait qu'il lisait pas beaucoup, ce il qui était faux d'ailleurs. Peu, ce qui était faux. Il écrivait pas mal de préfaces pour ses amis. Je pense qu'il lisait assez peu quand même. Il a une formation classique au départ, mais je pense qu'il est. Son hommage à Octave Feuillet à l'Académie française n'est pas riche en citations littéraires. Alors je signale quand même aux auditeurs qui voudraient aller plus loin sur la question du journal que vous avez publié les 5 volumes de ce journal avec Alain Kayla Villéger et puis aussi le journal de guerre tenu pendant la guerre qui s'appelle Soldat Bleu. Ça, c'est à la petite Vermillon, à la table ronde. Oui. C'est un choix d'avoir sorti quand même ce moment de la guerre. Pour vous, c'est autre chose que le reste de la vie de Lotti? Non, ça c'est vraiment de la cuisine éditoriale. Nous avons commencé par publier des extraits du journal sous le titre « Cette éternelle nostalgie » et à côté, on a publié le journal entier de la guerre sous le titre « Soldat bleu » qui n'est pas un titre de Lotti, qui était une citation de Lotti, mais pas un titre de Lotti. Et le reste du journal, les 5 volumes, sont publiés aux éditions des Indes Savantes. Le quartier bruyant de Taksim sur la hauteur de Perrin, les équipages européens, les toilettes européennes heurtant les équipages et les costumes d'Orient, une grande chaleur, un grand soleil, un vent tiède soulevant la poussière et les feuilles jaunies d'août, l'odeur des myrtes, le tapage des marchands de fruits, les rues encombrées de raisins et de pastèques. Les premiers moments de mon séjour à Constantinople ont gravé ces images dans mon souvenir. Je passais des après-midi au bord de cette route de Taksim, assis au vent sous les arbres, étrangers à tous. En rêvant de ce temps qui venait de finir, je suivais d'un regard distrait ce défilé cosmopolite, je songeais beaucoup à elle, à Ziyadeh, étonné de la trouver si bien assise tout au fond de ma pensée. Je fis dans ce quartier la connaissance du prêtre arménien qui me donna les premières notions de la langue turque. Je n'aimais pas encore ce pays comme je l'ai aimé plus tard. Je l'observais en touriste. Et Constantinople m'était à peu près inconnue. Pendant 3 mois, je demeurais à Péra, songeant aux moyens d'exécuter ce projet impossible, aller habiter avec Ziyadeh sur l'autre rive de la Corne d'Or, vivre de la vie musulmane qui était sa vie, la posséder des jours entiers, comprendre et pénétrer ses pensées, lire au fond de son cœur des choses fraîches et sauvages à peine soupçonnées, et la voir à moi tout entière. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, il y a d'abord Ziyadeh, dont on a parlé un petit peu hier avec Alain Kella-Villéger, et cet extrait de Guillaume Gallienne qui nous remet, enfin lu par Guillaume Gallienne, qui nous remet dans l'atmosphère de ce livre paru chez Calman Levy en 1879, sans nom d'auteur, qui n'a eu aucun succès. C'est donc, on l'a dit, à partir des extraits du journal qu'il est constitué, mais c'est un petit peu travesti, cette histoire d'amour entre un officier anglais et une jeune fille turque. Quelle est la place de l'autobiographie, pour commencer, dans Ziyadeh, Bruno Bartos? Si vous remplacez Loti, c'est-à-dire le personnage de Loti, par Julien Viaux, Loti est d'ailleurs le surnom du lieutenant anglais Harry Grant, c'est-à-dire il y a une double distance prise par Julien Viaux, l'officier de marine, par rapport au personnage du livre. Je dirais que c'est apparemment entièrement autobiographique. Si vous changez les noms des lettres des destinataires, le village de la sœur Brightbury, vous mettez Saint-Porchaire, et finalement c'est le journal de Loti qui vous est proposé. C'est toujours de l'autobiographie chez Loti? C'est toujours, en fait, ça, de l'écriture à la première personne, sûrement, et le plus souvent une expérience propre. Je dirais peut-être plus de l'autofiction que de l'autobiographie. Pourquoi? Quelle différence vous faites? Dans l'autofiction, l'autobiographie, on va poursuivre l'auteur en lui disant là, ce n'est pas vrai, etc. Là, c'est pas exact, etc. L'autofiction, vous construisez une œuvre à partir de votre propre expérience. Mais le roman d'un enfant dont on parlera tout à l'heure, c'est tout à fait autobiographique ou c'est autofictionnel? La question, on tombe là sur la question du pseudonyme. C'est le roman de Pierre, or Lotis et Julien. Et Julien Viaux. Donc il y a déjà tout de suite à la fois une distance et une proximité. C'est là où je parlerai d'autofiction plutôt que d'autobiographie. Alors Ziyadeh, c'est un roman absolument moderne. Il ne s'y passe rien. C'est d'ailleurs Barthes qui l'a expliqué dans une préface à une version italienne. Vous inscrivez exactement dans cette lignée barthésienne, parce que quand dans les années 70 vous avez découvert Pierre Loti, c'était pas du tout votre sujet. Vous vous intéressiez d'abord au nouveau roman. Est-ce que vous avez du coup réévalué en même temps que Barthes Pierre Loti? Comment ça s'est passé? Disons, je n'ai pas commencé par Ziyadeh. Je suis entré dans Loti justement par le roman d'un enfant. Je faisais des recherches, une thèse sur le souvenir d'enfance, et je n'avais jamais lu une ligne de Loti, donc je n'avais pas à réévaluer. Simplement, lisant le roman d'un enfant, j'ai trouvé ce livre extraordinaire, annonçant Proust d'une façon étonnante, et j'ai voulu faire rééditer ce livre qui était tout à fait introuvable, et à partir de là, disons, je suis tombé dans Loti. Bon, à ce moment-là, peu à peu, Ziyadeh, le roman d'Aspahi, les autres œuvres, et effectivement, j'étais très proche de Barthes aussi à ce moment-là, donc tout cela s'est mis en place très, très facilement. Donc Loti, c'est une sorte de moderne, mais un moderne qui ne saurait pas lui-même qu'il est moderne. Oui, il est tout à fait inclassable. tout à l'heure, je disais, un de ces écrivains fantaisistes, peut-être, de la, ses premiers livres, hein, Asiadé, Le mariage de Loti, et jusqu'à Mon frère Yves. Ce sont des œuvres qui sont tout à fait étonnantes, je veux dire, où la digression, l'absence de transition, une chronologie tout à fait bouleversée, comme le disait Greg tout à l'heure, ça ne ressemble pas au roman bien fait de Zola, ou même de Daudet, Daudet qui était un grand ami de Loti, et qui a été un des grands soutiens de Loti pour son entrée à l'Académie française et autres. Finalement, ça ressemble peut-être à Nathalie Sarraute, à Enfance de Nathalie Sarraute, avec cette écriture en fragments. Oui, enfin, je me rappelle avoir fait une communication sur Enfance aux États-Unis. Et c'est vrai, pour moi, c'était un peu la même chose sur les risques. Enfin, Loti est contemporain. Je ne sais pas s'il est moderne, mais il est contemporain. Vous avez aussi écrit en 2017 dans la revue Medium un article intitulé « L'idiot qui revient, le cas Loti ». Alors, de quoi s'agissait-il ? Pourquoi l'idiot qui revient ? Oui, vous savez, enfin, Loti a été une des cibles d'André Breton, ce Barrès, France et Loti. Il y avait le traître, le flic et l'idiot, je crois. Et Loti était l'idiot. On le disait tout à l'heure, Loti n'est pas un intellectuel. Ben, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Une espèce de la simplicité prise pour de la naïveté ou une ignorance peut-être de l'œuvre entière de Loti, peut-être de limiter Loti à des œuvres qui sont peut-être moins intéressantes, peut-être plus connues comme Pêcheur d'Islande ou Ramuncho, on va peut-être y venir aussi. Donc Breton massacre complètement Loti et je crois que Loti a eu du mal à s'en remettre jusqu'aux années 1950. Alors on va en effet arriver à Pêcheur d'Islande, mais prenons la trilogie de la mer dans l'ordre, puisqu'elle commence avec Mon frère Yves, publié en 1883. Mon frère Yves, c'est la transposition, là pour le coup pas tellement romancée non plus, d'une longue amitié entre Pierre Loti et un matelot qui servait sous ses ordres, donc Yves Kermadec dans le roman, et en réalité Pierre Lecor. Qui est ce personnage? Que pouvez-vous nous en dire, Bruno Versier? Enfin, j'ai beaucoup travaillé aussi sur cette question, là, sur ce que j'appelle la question du frère. On sait que le grand drame, disons, de Loti, c'est la mort de son frère Gustave, qui meurt en rentrant d'Indochine, enfin, qui meurt sur le navire qu'il ramène d'Indochine alors qu'il est très malade. Et il semble que Loti, tout le long de son existence, a eu besoin de s'appuyer sur, d'être accompagné par un personnage qui est d'abord Joseph Bernard, un de ses collègues de Naval. L'amitié va se rompre au Sénégal. Puis après, disons que Joseph Bernard lui apportait à la fois une sorte de présence physique et de présence intellectuelle, sociale. À partir de là, Loti va être accompagné d'un frère, ce qu'il appellera le frère, mon frère Yves, c'est-à-dire d'une série de matelots qui sont ses ordonnances, qui sont sur le bateau ou à Brest ou etc. dans les ports et qui vont l'accompagner. Alors là, se pose évidemment la question de la nature de cette relation. Est-elle amicale? Est-elle amoureuse? Là, le débat est ouvert et ne peut pas se clore. En tout cas, Pierre Loti, en tant qu'écrivain et le narrateur dans Mon frère Yves, adore regarder vivre Yves. Il le décrit marchant comme un chat sur le pont du navire, monté dans la hune, où il passe d'ailleurs le plus clair de son temps. Ce Yves, c'est un garçon des hauteurs, un garçon de l'air frais, un garçon pur. C'est un marin breton. La première apparition d'Yves se situe dans un livre très peu connu de Loti, sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Je vous écoute. Qui s'appelle Fleur d'ennui. C'était publié assez tôt, en 1882, si je ne me trompe. C'est un livre, d'abord, qui se compose de quatre textes différents, et on retrouvera ça souvent chez Loti, des recueils de textes, où il y a à la fois un récit de voyage, une histoire d'amour, Les Trois Dames de la Casbah, un dialogue avec Plumquette, qui est le surnom d'un de ses collègues. Enfin, une espèce de mélange. Et dans ce texte apparaît mon frère Yves. Il apparaît justement sur un clocher breton, comme on le retrouvera d'ailleurs au début de mon frère Yves. C'est pour ça que j'y pense maintenant. Vous disiez, il est dans l'air, il est dans les hauteurs, mais en même temps, il est souvent aussi au fond de la cale, puisque on a dit que un méchant critique a dit que mon frère Yves, c'était mon frère Yves. Et parce que quand il revient sur Terre, le frère Yves a un gros penchant pour la boisson. Oui, et donc le sujet du livre, le sujet apparent du livre, c'est comment sauver Yves de ce penchant à l'alcool et comment faire qu'il devienne quelqu'un d'autre. Alors, c'est le mariage, c'est la naissance. Il est beaucoup question de mariage aussi, en effet, dans mon frère Yves. Donc, avec Yves aussi, il y a toute une chose assez passionnante du côté de l'autofiction, c'est cet échange de noms. Avant même d'écrire ce livre, Loti, qui a déjà ce premier surnom de Loti, puisque c'est un surnom, utilise aussi le nom de Pierre. Quand il vient voir, par exemple, Sarah Bernard à Paris, il se déguise en matelot. En matelot, il est le matelot Pierre. Et ce Pierre est sans doute emprunté à Pierre Lecor. Mmh. Quand Pierre va se marier, il va avoir un fils qu'il va appeler Julien, comme Loti. Disons. Comme Julien Viau. Et quand ce Julien essaiera lui-même d'écrire, il prendra le nom de Julien Kermadec, prenant le nom que Loti a donné à son père dans le livre. Enfin, il y a tout un échange là de noms qui va très loin, je pense. Un peu comme deux frères qui échangent leur sang, enfin, pour un pacte d'amitié, d'amour, de tendresse, c'est plus qu'un marin dans la une, enfin, c'est autre chose. Et lorsque l'amitié avec le corps va se terminer, mais il va réapparaître dans Madame Chrysanthème, il est encore avec Loti à Nagasaki, d'autres frères vont succéder tout au long de la vie de Loti. Oui. Alors, ce que ça montre aussi, ou ce qu'on peut comprendre dans ce que vous dites, c'est que l'œuvre de Loti est assez une, finalement, et que tout s'y mélange. On a vu que les journaux inspiraient les romans, mais il n'y a pas non plus de rupture étanche entre les récits de voyage. Oui, parce que, par exemple, prend le roman de Madame Chrysanthème, dans la préface, Loti dit... Redites-nous. Loti dit le personnage principal, non, le rôle principal est celui de Madame Chrysanthème, mais les trois personnages principaux sont le Japon. Oui, c'est ça, vous l'avez moi tout à l'heure. Oui. Donc, je veux dire, ce qu'on considère comme un roman est en fait un récit de voyage. Difficile de faire la séparation. Il ne revint jamais. Une nuit d'août, là-bas, au large de la sombre Islande, au milieu d'un grand bruit de fureur, avaient été célébrées ses noces avec la mer. Avec la mer qui autrefois avait été aussi sa nourrice. C'était elle qui l'avait bercé, qui l'avait fait adolescent, large et fort. Et ensuite elle l'avait repris, dans sa virilité superbe, pour elle seule. Un profond mystère avait enveloppé ces noces monstrueuses. Tout le temps, des voiles obscures s'étaient agitées au-dessus, des rideaux mouvants et tourmentés, tendus pour cacher la fête. Et la fiancée donnait de la voix, faisait toujours son plus grand bruit horrible pour étouffer les cris. Lui, se souvenant de Gaude, sa femme de chair, s'était défendu dans une lutte de géants contre l'épousée du tombeau. Jusqu'au moment où il s'était abandonné, les bras ouverts pour la recevoir, avec un grand cri profond comme un taureau qui râle, la bouche déjà emplie d'eau. Les bras ouverts, étendus et raidis pour jamais. Et à ses noces, ils y étaient tous, ceux qui l'avaient convié jadis. Tous, excepté Sylvestre, qui, lui, s'en était allé dormir dans des jardins enchantés, très loin, de l'autre côté de la terre. La Compagnie des œuvres et cette lecture par François Chaumette d'un passage de Pêcheur d'Islande, Pêcheur d'Islande publié en 1886, donc 3 ans après mon frère Yves, Bruno Versier. C'est le plus grand succès de Pierre Loti. Il a toujours connu du succès, à part Asiyadé, son premier roman, mais là, avec Pêcheur d'Islande, on est encore dans une autre dimension. C'est effectivement un très grand succès pour justement ce François Chaumette. François Chaumette, oui. Vient de citer Sylvestre dans le passage qu'il a lu. Ça va tout à fait dans le sens de ce que nous disions, c'est-à-dire dans ce livre qui a en apparence un roman avec des personnages, disons un narrateur à la troisième personne, tout à coup vous avez un chapitre au milieu du livre où Loti reprend la parole en tant qu'officier de marine pour dire qu'il a lui-même mené les noces de Sylvestre au Tonkin ou en Annam ou je ne sais où. C'est-à-dire Loti est toujours là, présent. Autobiographie, autofiction, c'est toujours la même œuvre qui se déploie à partir du journal. Oui, et du coup, une forme quand même très étonnante, pas tellement classique, et pourtant c'est un best-seller, ça n'a pas dérouté finalement les lecteurs. Non, ça leur a fait... Enfin, on a dit que Loti a un peu inventé Paimpol, a inventé la Bretagne dans la littérature, et d'une certaine manière, sans le vouloir, il a peut-être fait un peu du naturalisme sur un milieu, au fond, qu'on ne connaissait pas, celui de ces pêcheurs, celui de cette mer du Nord, un monde nouveau pour les Parisiens, comme il le fera avec le Pays Basque et Ramuncho. Oui, mais pourtant, il ne connaissait pas non plus tellement l'Islande, autant d'habitude il parle de pays qu'il a arpentés, il n'est jamais allé, je crois, voir des pêcheurs d'Islande en Islande. Non, mais de toute façon, le roman ne se passe pas en Islande, ça se passe en mer d'Islande, et Loti a navigué, disons, dans des mers boréales. Mais avec des Islandais ? Pas avec des Islandais, mais à Paimpol, il a fréquenté beaucoup d'Islandais, donc il fait sans doute, il y a un travail de documentation, je veux dire, comme un Zola dans les mines pour Germinal. Ouais. Qu'est-ce qu'il reprochait au naturalisme, parce que il a justement critiqué le naturalisme à son entrée à l'Académie française, alors que Zola était dans la salle. Oui, il était élu contre Zola, disons, à l'Académie française. Il n'aime pas les milieux d'écrit souvent. Il n'aime pas cette application, ce côté peut-être un peu scientifique, rigoureux. Lui qui, j'ai dit tout à l'heure, qui est plutôt du côté de la fantaisie, de la sensibilité, de l'émotion directe. Du tableau, est-ce qu'on peut parler de tableau, de peinture aussi dans l'écriture de Loti, la sensibilité de Loti? Dans la poésie davantage. Je dirais c'est en même temps un visuel. On vous l'avait dit au départ, Loti est un dessinateur. Loti est quelqu'un qui voit très bien autant qu'il sent. Et effectivement, Greg utilisait tout à l'heure les mots de description. Je ne crois pas qu'il y ait de description chez Loti. C'est beaucoup plus des évocations. Il me semble que on rejoindrait plus le côté poétique. La description d'un Zola peut-être est trop systématique, trop veut épuiser le sujet. Loti n'épuise jamais le sujet. Enfin, il passe, il montre ce qu'il touche et il continue. Il y a un troisième roman aussi à mentionner dans cette trilogie, c'est Matelot. Et Matelot. Alors là, justement, c'est apparemment Loti n'y figure pas, mais c'est tout à fait l'histoire d'abord d'un de ses frères, le beau Léo Témèse, qui devient Jean Berny dans le roman. Donc Jean Berny, qui est un petit bourgeois d'Antibes et qui refuse d'entrer dans l'affaire familiale de Parfum parce que lui souhaiterait prendre la mer. La mer, mais il échoue à l'oral de Naval. Et au fond, on peut dire aussi que c'est un de ces livres où, comme le font souvent dans l'autobiographie, Chateaubriand, Stendhal, qu'est-ce qui serait arrivé si? Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais échoué à Naval? Je serais devenu peut-être ce Jean Berny qui va échouer un peu partout et connaître une fin malheureuse, bien sûr. Mais, par contre, avec Léo Témès, par exemple, dans la vie, Loti réussit ce qu'il n'a pas réussi avec Pierre Lecor, c'est-à-dire lui faire des études. Il devient capitaine de la marine marchande. Pourquoi ça se termine toujours mal, les romans de Pierre Loti? Parce que... parce que Loti a une vision tragique de l'existence. Je pense que une des forces de Pêcheurs d'Islande, c'est d'avoir cette dynamique de la tragédie. Dès le départ, on sait que ça finira mal, que la mère MER sera plus forte que l'épouse. Et je crois que Loti, oui, non, il y a peu de livres de non qui se terminent bien, non, je n'en vois aucun. Vous avez dit, je crois, Bruno Vercier, vous êtes peut-être pas le seul, hein, à expliquer que Matelot, c'était Loti à la provençale. Il y avait Pêcheur d'Islande qui est le Loti de l'Atlantique, et puis Matelot, c'est le Loti méditerranéen. Ah oui, parce que ce Léo Thémèse est d'Antibes, et toute une partie du roman, toute l'enfance et l'adolescence, donc, est un Loti, décrit la vie de la Côte d'Azur. Et Loti a beaucoup aimé la Côte d'Azur. Il a été affecté à Toulon à plusieurs reprises. Il y est revenu, il y a habité avec Pierre Lecor, il y a habité avec Léo. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est tout ce qu'aime Loti. Il faudrait rajouter aussi à ces textes sur la mer, la préface à la mer de Michelet. Et je crois qu'il dit que Michelet, c'est surtout quelqu'un qui a raconté la mer depuis le rivage. Oui. Il est un peu ironique avec Michelet, non ? Oui, disons. Loti peut être drôle et sarcastique, on ne le sait pas assez. Il faut donc continuer à le lire. J'ai oublié le commencement, le départ, la route en voiture, l'arrivée. Mais par un après-midi très chaud, le soleil déjà bas, je me revois et me retrouve si bien, seul, au fond du vieux jardin à l'abandon, que des murs gris rongés de lierre et de lichen séparaient des bois, des landes à bruyères, des campagnes pierreuses d'alentour. Pour moi, élevé à la ville, ce jardin très grand, qu'on entretenait guère et où les arbres fruitiers mouraient de vieillesse, enfermait des surprises et des mystères de forêt vierge. Ayant sans doute franchi les buis de bordure, je m'étais perdu au milieu d'un des grands carrés incultes du fond, parmi je ne sais quelle haute plante folle, des asperges montées, je crois bien, envahies par de longues herbes sauvages. Puis je m'étais accroupi, à la façon de tous les petits enfants, pour m'enfouir davantage dans tout cela qui me dépassait déjà grandement quand j'étais debout. Et je restais tranquille, les yeux dilatés, l'esprit en éveil, à la fois effrayé et charmé. Ce que j'éprouvais en présence de ces choses nouvelles était encore moins de l'étonnement que du ressouvenir. La splendeur des plantes vertes qui m'enlaçaient de si près, je savais qu'elle était partout, jusque dans les profondeurs jamais vues de la campagne. Je la sentais autour de moi, triste et immense, déjà vaguement connue. Elle me faisait peur, mais elle m'attirait cependant. Et pour rester là le plus longtemps possible sans qu'on vînt me chercher, je me cachais encore davantage, ayant pris sans doute l'expression de figure d'un petit pot rouge dans la joie de ces forêts retrouvées. Du roman d'un enfant lu par Sarah Chaumette. On a dit tout à l'heure que c'était votre livre préféré et c'est vrai que vous l'écoutiez peut-être avec davantage d'intensité que les autres, Bruno Vercier. Oui, je crois que c'est par là que, si on ne connaît pas Loti, je pense que c'est intéressant de commencer par le roman d'un enfant. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a tout de suite quelqu'un. Une personnalité qui a, bon, il a 40 ans quand il écrit le roman d'un enfant, et je pense qu'il construit son personnage et son mythe en même temps. C'est un roman de vocation, à la fois sa vocation de marin, de voyageur, et sa vocation d'écrivain. Il insiste plus d'ailleurs sur sa vocation de marin que sur sa vocation d'écrivain. Mais je crois que c'est un livre tout à fait parfait, enfin, dans son genre. Et pourquoi est-il plus touchant que les autres? Parce qu'on découvre quelqu'un. Enfin, pour moi, pour ma propre expérience, ça a été de découvrir quelqu'un dont j'ignorais tout et sur lequel j'avais des préjugés. Pour moi, Loti, c'était quelqu'un c'était Pêcheur d'Islande, lu chez la grand-mère, enfin, dans les bibliothèques des grands-parents. Je l'avais même pas lu d'ailleurs à l'époque, Pêcheur d'Islande. Tout d'un coup, avec Le roman d'un enfant, c'était un livre, oui, d'une sorte de perfection absolue et d'une modernité. Il y a tout un travail sur la mémoire qui est proustien déjà. Enfin. Donc on peut parler de Madeleine avec oui. ce livre-là. Oui. Et Proust en a parlé d'ailleurs, ou il Proust, a parlé de Loti. Oui, enfin ça, on dit que. On manque un petit peu de preuves. Court une espèce de légende comme quoi la mère de Proust lui lisait Le roman d'un enfant et que Proust pouvait après citer par cœur des passages de Loti. Mais est-ce qu'il a dit que Loti était son prosateur préféré comme Il l'a dit parfois. Il l'a dit au début, dans ses questionnaires, dans ses fameux questionnaires. Je crois qu'il y a deux états du questionnaire et Loti figure dans les premières réponses, peut-être pas dans les deuxièmes. Un autre versant de la littérature de Loti, c'est le versant basque et son livre Rabuncho, qu'il écrit donc aussi dans les années 1890. Même chose, on est dans une histoire à caractère autobiographique. Oui et non. C'est-à-dire que Loti, là aussi, un peu comme il l'a fait avec Matelot, imagine ce que c'est que d'être un fils illégitime, puisque, enfin, vous l'avez dit hier avec Alain, Loti a cette descendance basque, et c'est le cas de Ramuncho. Ramuncho est né d'un père qui est passé au Pays basque, qui a fait un enfant et qui est reparti, et donc Ramuncho est à la fois basque et à côté, à part. Mais donc, dans ce qui est autobiographique là, c'est la passion de Loti pour le Pays basque et les évocations extraordinaires, à mon avis, de la nature, du paysage, du climat, des coutumes. C'est devenu une sorte d'icône ou d'emblème du Pays basque écrit par quelqu'un qui n'est pas basque. Ramuncho, il est un peu toujours dans l'entre-deux. Il est basque, c'est-à-dire qu'il naît aussi... il ne se sent ni français ni espagnol, oui. Ou il se sent à la fois français et à la fois espagnol. Oui. C'est un adolescent qui est en même temps encore un enfant et déjà un adulte. Est-ce que c'est ça aussi, ce roman-là? Est-ce qu'il a oui, voulu expliquer ce moment de passage? Il y a beaucoup de lectures possibles de Ramuncho et la vôtre est tout à fait justifiée. C'est un roman de formation pour vous? Formation, Ramuncho s'en va. Ramuncho quitte à la fin et s'en va vers. C'est peut-être au fond le seul roman qui ne finisse pas absolument mal. Ramuncho part vers les Amériques. On sait que c'est effectivement ça a été la destination de bien des Basques. Enfin, on en retrouve un peu partout en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Et bon, formation, oui et non. Apprentissage, peut-être plutôt. On a parlé d'un roman chrétien. Ça vous semble juste? Pas non plus. Non, je n'irai pas dans cette direction. Enfin, la place de la religion me semble tout à fait étouffante. Enfin, il me semble que Loti ici se révolte. Enfin, Ramuncho devrait se révolter contre la religion. Oui. Ce qui est étonnant parce que Loti lui-même, paraît-il, a toujours souhaité être croyant. Il n'est jamais vraiment parvenu. Oui, enfin, le rapport de Loti à la religion est une question sur laquelle je suis tout à fait sceptique. Vers 2 heures du matin, après quelques moments de ce sommeil particulier que l'on a lorsque plane une angoisse, une attente de malheur ou de mort, je m'éveille, frémissant d'une sorte d'horreur glacée. On a frappé derrière ce mur, qui de ce côté-ci ressemble à celui de quelques lointaines mosquées blanches, dépayse l'esprit, mais qui de l'autre donne dans l'alcôve de tentes claires. Or j'ai compris, presque avant d'avoir entendu. J'ai compris, avec la même épouvante, que si la mort elle-même de l'os de son doigt eût frappé ses petits coups inexorables dans cette alcôve. Et je me lève en hâte dans la nuit de gelée, les dents claquant de froid, pour courir où l'on m'appelle. Là, c'est la fin, la sombre lutte de la fin. Cela dure encore quelques secondes à peine. À travers le trouble du réveil, je vois cela comme dans un cauchemar angoissant. Puis la molle immobilité survient, l'apaisement suprême. Oh, l'horreur de cet instant. L'effroi de cette pauvre tête, si vénérée et si aimée, qui retombe enfin sur son oreiller pour jamais. Choisi cet extrait du livre de la pitié et de la mort lu par Sarah Chaumette pour aller vers la fin de cette émission. La mort est omniprésente, on l'a déjà dit pour Pierre Loti dans ses écrits, dans sa vie aussi, il lutte en permanence contre le vieillissement et contre la mort. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre, Bruno Vercier ? Une sorte de sérénité dans l'angoisse quand même. Par l'écriture, c'est justement là le miracle de l'écriture de Loti. On est avec lui et en même temps, on prend une distance par rapport à l'horreur de la situation. Alors vous allez publier bientôt un livre regroupant et évoquant les dessins de Loti. Oui, enfin, c'est une réédition. C'est une mise à jour et une réédition d'un livre paru il y a 7-8 ans et qui a eu un très gros succès, je crois, qui a fait découvrir une autre facette du talent de Loti, Loti dessinateur. Oui, parce que c'est en effet un dessinateur extrêmement précis. Il aurait pu d'ailleurs creuser davantage ce talent, selon vous ? Oui, je pense que pour lui, il était dessinateur avant d'être écrivain. Ça, vous l'avez bien dit hier, me semble-t-il. Il a dessiné pour le journal Illustration, par exemple. Oui, enfin, il essayait de placer, disons, des dessins où il pouvait. Mais il a arrêté de dessiner quand il a commencé à photographier. La photographie aussi, il y est initié très tôt par cette tente claire dont on vient de lire d'apprendre la mort. Et dès qu'il a pu, lui-même s'est mis à photographier. Vous en parlerez demain avec les voyages, je pense. Tous ses voyages, il les a accompagnés de reportages photographiques. Et d'ailleurs, on peut retrouver certaines de ses photos dans le livre Pierre Loti, Portrait, les fantaisies changeantes, que vous avez publié aux éditions Plume en 2002. C'est un livre où on le voit beaucoup, lui, parce qu'il aimait aussi se faire prendre en photo. Oui, non, je veux dire, Pierre Loti, là, ce ne sont pas des photos prises par lui. Il n'y en a aucune dans ce livre qui les prise lui-même. Non. Donc ce sont des photos de lui. C'est des photos de lui. Non, Loti a été énormément photographié, énormément caricaturé. Parce qu'il était demandé aussi pour le photographie, non ? Je pense qu'il aimait être photographié. Ça faisait partie de ce que vous disiez au début sur le côté théâtral, le côté acteur. Même s'il se détestait, même s'il se trouvait laid, petit. Enfin, bon, le maquillage, les chaussures à talons, etc., etc. Mais bon, je crois que Loti fait partie de cette génération avec Hugo, des écrivains qui deviennent des personnages publics et par la photographie. Et alors, il se fait prendre en photo nu, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, il a fait ce stage de gymnastique à l'école de Joinville pour se forger une musculature. Donc après, il faut montrer cette musculature. Ouais. Il a fait œuvre de graveur aussi. Non. Ah non. Non, je ne crois pas. Non, ses dessins, si vous voulez, les premiers dessins ont été ceux de l'île de Pâques ou ceux de Tahiti, ont été publiés, mais sous forme de gravure. Les dessins n'ont pas été publiés sous forme de dessin du vivant de Loti. C'est pour ça que notre livre, en un sens, je veux dire, est essentiel, puisqu'on voit les dessins pour la première fois, je veux dire. Je voudrais terminer en vous faisant réagir sur une citation d'Edmond Jaloux qui dit « J'ai une secrète méfiance à l'égard de ceux qui n'aiment pas Loti. J'ai peur qu'il ne soit pas complètement humain. » Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord, vous qui êtes complètement humain. Car vous aimez passionnément Pierre Loti. Voilà, merci. Merci beaucoup Bruno Vercier. Mathieu Garrigou-Lagrange. Je signale qu'on pourra tout de même lire de vous l'essai Pierre Loti d'enfance et d'ailleurs, paru aux belles éditions Bleu Autour, où paraîtront donc aussi, reparaîtront, hein, vous venez de le préciser, le livre Pierre Loti, dessinateur, une œuvre au long cours. C'est le moment de la chronique dans Compagnie des Revues. On a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour à vous Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez aujourd'hui d'une biographie, mais d'une biographie un tout petit peu particulière. En effet, puisqu'il s'agit d'une biographie en grande partie imaginaire, il s'agit de la biographie d'Olric, l'éternel méchant des aventures de Black et Mortimer, la bande dessinée créée après-guerre par le Belge Edgar P. Jacobs. L'identité des deux auteurs de cette biographie ne manquera pas de vous surprendre aussi. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et de son fils Laurent. L'ex-conseiller diplomatique de François Mitterrand est en effet un passionné de bande dessinée depuis son enfance. Il dévorait les aventures de Tintin et celles de Black et Mortimer. Et il a transmis son virus à son fils, Laurent, documentariste et apiculteur urbain. C'est donc à quatre mains qu'ils ont écrit cette biographie qui paraît chez Fayard. Alors il faut quand même que vous nous rappeliez qui exactement est Olric dans les albums de Jacobs. Alors c'est celui que Philip Mortimer et Francis Blake trouvent inlassablement sur leur chemin, du Tibet à l'Égypte, de Londres à Paris. Le colonel Olric est une sorte d'incarnation du mal, moitié espion, moitié gangster. Signe caractéristique, une petite moustache à la Clark Gable, un fume-cigarette toujours à la main, des costumes de bonne coupe et des voitures élégantes. C'est un méchant, mais un méchant qui a de la classe. Il est le mauvais génie d'un dictateur tibéto-mongol dans Le Secret de l'Espadon, trafiquant d'antiquités dans Le Secret de la Grande Pyramide, chef d'un réseau d'espionnage dans SOS Météor. À la fin de chaque album, Olric parvient toujours à s'évanouir mystérieusement dans la nature, et au fond, on ne savait pas grand-chose de lui. Alors comment est-ce que Hubert Védrine et son fils ont procédé pour écrire cette biographie ? Ils ont procédé un peu à la manière des archéologues qui reconstituent un squelette entier de dinosaures à partir de quelques os. Ils sont partis des albums de Jacobs, bien sûr, des quelques indications que Jacobs lui-même a données sur Olric dans les interviews pour bâtir leur biographie. Ils sont aussi allés à Bruxelles pour rencontrer l'éditeur de la série et ont également rencontré l'un des scénaristes, Yves Sant. À partir de là, ils se sont amusés à remplir les blancs et imaginer la vie d'un Olric réel qui aurait traversé tout le XXe siècle. Ils ont donc reconstitué sa jeunesse aristocratique en Estonie, son passage par Budapest, et comme il fallait bien coller à la série, son départ avant la Seconde Guerre mondiale au sein d'une expédition nazie vers le Tibet, où se déroule en partie Le Secret de l'Espadon. Le Olric de Védrine est un pur personnage de la guerre froide, on le croise dans les arcanes du KGB, Churchill entend parler de lui, il fricote avec la CIA sous Kennedy, il a peut-être même rencontré Lee Harvey Oswald. Il est partout, mais insaisissable. Est-ce que, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine livre une vision géopolitique aussi des aventures de Black et Mortimer? Oui, et c'est ça qui est intéressant, car ce qui est fascinant, c'est que Black et Mortimer évolue dans un monde de l'après-45, mais un monde dans lequel une sorte d'Angleterre éternelle serait encore au centre du jeu. On est en pleine guerre froide, mais les Américains sont quasiment absents des albums. Et le Olric imaginé par les Védrine semble tout à fait crédible dans cet univers. Dans l'interview qu'il a accordée à l'Express, Hubert Védrine explique d'ailleurs que lorsqu'il était lui-même au Quai d'Orsay, il recevait des rapports des services secrets français dans lesquels apparaissaient parfois des personnages troubles en Afrique ou dans les marges d'états totalitaires. Des gens qui naviguent entre les lignes, qui changent de camp, qui s'enrichissent au passage. Selon lui, Olric est typiquement l'un d'eux. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à vous Jérôme Dupuis. Olric, une biographie non autorisée, c'est aux éditions Fayard. Et puis on peut retrouver l'intégralité de votre article dans le magazine L'Express. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jérémy Kaufmann. Demain, nous continuerons à voyager dans les pas de Loti, et même plus que jamais, puisqu'il sera question de ses récits de voyage.